refrains que les poètes ont disparu. Leurs chansons courent encore dans les rues. Hola, me llamo Andrés, esto es la chanson, un programa mensual sobre la canción francesa. Le nom de l'auteur, sans savoir pour qui battait leur cœur. Me acompaña, como casi siempre, Samuel, al equipo técnico. On fait la la la la la la la la la la la la. Este es el primer programa del año 2016, año que empieza con una desaparición de un cantante francés. El pasado día 2 de enero nos dejó Michel Delpech con solo 69 años. Por cierto, los mismos años que David Bowie, que nos dejó ayer. Aunque sea un número muy erótico, siempre es una edad demasiado temprana para morir. Luchaba Michel Delpech desde hace años contra un cáncer, en su caso, como David Bowie, pero en su caso de la garganta, que le ganó la partida. Sin ser uno de los grandes, como puede ser un Brel o un Brassens, marcó una época y se quedó para siempre en el recuerdo de los franceses. Como lo expresó el mismísimo François Hollande, diciendo: Michel Delpech murió sin haber envejecido. Sus canciones nos emocionaban porque hablaban de nosotros. Supo mejor que nadie traducir los años 70. Michel Delpech escribió la mayoría de sus canciones y sedujo por su voz y sus melodías. Llegó a ser un ídolo, como refleja algunos de sus temas, pero su gloria se apagó dejando paso a una profunda depresión. Y aunque los franceses nunca lo olvidaron y le dieron otra oportunidad en los años 2000, seguirán recordando sus 10 primeros mejores años. Vamos a empezar ese homenaje con una canción, su primer éxito, que data del año 1965, una canción pegadiza que tiene por título Chez Lorette, significa en casa de Lorette. Lorette es una mujer que regenta un bar donde adolescente, después del cole, se reúne con los amigos. A su manera de llamarnos sus chavales, se veía que nos quería mucho. Era en su bar que nuestro dinero de bolsillo desaparecía en las tragaperras. Después de clase íbamos a tomar algo. Cuando entrábamos, ella sonreía y de golpe nuestras lecciones y problemas desaparecían cuando nos abrazaba. Escuchamos entonces Chez Lorette de Michel Delpech del año 65. À sa façon de nous appeler ce gosse, on voyait bien qu'elle nous aimait beaucoup. C'était chez elle que notre argent de poche disparaissait dans les machines à sous. Après les cours, on allait boire un verre. Quand on entrait, Lorette souriait. Et d'un seul coup, dans le son, nos problèmes disparaissaient quand elle nous embrassait. C'était bien chez Lorette, quand on faisait la fête, elle venait vers nous, Lorette. C'était bien, c'était chouette, quand on était fauchés, elle payait pour nous. encore afin qu'on soit tranquille. Dans son café, il y avait un coin pour nous. On s'y mettait pour voir passer les filles. Et j'en connais qui nous plaisaient beaucoup. Si par hasard on avait l'âme en peine, Laurette seule savait nous consoler. Elle nous parlait et l'on riait quand même. En un clin d'œil, elle pouvait tout changer. C'était bien chez Laurette. On y retournera pour ne pas l'oublier. Laurette, ce sera bien, ce sera chouette. Et on reparlera des histoires du passé chez Laurette. Ce sera bien, ce sera chouette. Et on reparlera des histoires du passé chez Laurette. Todos tenemos ese tipo de recuerdos, ¿verdad? Bueno, al año siguiente saca su primer álbum que tiene por título Inventaire 1966, Inventario 1966, por el nombre de la primera canción que vamos a escuchar a continuación. Como su propio nombre indica, pasa en revista los hechos importantes de ese año y no solo en Francia. Empieza por la minifalda, que empezó a popularizarse por esa época, sobre todo por el recién fallecido también André Courrèges. Sigue con las chabolas alrededor de París, la cantante Mireille Mathieu y la actriz Mireille Darc. Habla de la rivalidad entre dos cantantes en aquella época, como son Johnny Hallyday y Antoine, de los primeros hipermercados, de la guerra del Vietnam y de la música yeye, entre otras muchas cosas que sería un poquito cansino enumerar aquí. Y termina cada estrofa con la letanía y siempre es el mismo presidente, es decir, Charles de Gaulle, que llevaba 8 años en el cargo y recién reelegido. Muchos cambios sociales, en resumen, y poco cambio político. Podemos pensar en mayo del 68, que empieza a madurar ya en el ambiente. Y en el estribillo dice que además de todo eso que pasó ese año, encontró a la que le pintó ese año 1966 color de rosa. Escuchamos Inventaire 1966 de 1966. Une mini jupe de votre courage. Bidonville et de Mireille. Une nouvelle piaf, un petit oiseau de toutes les couleurs. Une nouvelle d'arc qui brûle les planches. Une religieuse, un cacharel. Des cheveux longs, des idées courtes. Un vieux Paris, un Paris 2. Des paravents à l'Odéon, un palmarès de la chanson est toujours le même président. Il y a eu tout ça, et puis malgré tout ça, quand je t'ai rencontré, il y a eu autre chose,

En 1971 publica lo que será uno de sus mayores éxitos, del que vendió más de un millón de discos, de ejemplares. Se llama Pour un flirt avec toi, para un flirteo contigo. Deja los temas sociales anteriores y dice que para eso sería capaz de todo. Para conseguir una simple cita podría dejarlo todo. Para robar un beso tuyo haría locuras. Para llegar a tu cama entre tus sábanas. Enhorabuena a todos los enamorados. Escuchamos Pour un flirt avec toi del año 71. Con esa canción volvió a ponerse de moda la palabra flirt en francés cuando había pasado en desuso lo que hacen las canciones. Otra canción importante por su influencia en la sociedad es la siguiente. Es el revés de la medalla. Se llama Les Divorcés, Los Divorciados. Es una canción del año siguiente. Y la primera canción conocida, la canción francesa sobre el divorcio. En esa canción es un divorcio amistoso, muy diferente de lo que será el suyo 4 años más tarde.

Bueno, ahora animo a todos los que, todas las personas que se encuentran en esta difícil situación de separación o divorcio. En 1973 sale que Marianne était jolie, que bonita era Marianne. Marianne es el busto femenino símbolo de Francia, que se encuentra en todos los lugares oficiales como los ayuntamientos. Viene del famoso cuadro de la Croix. Dice, Marianne ha tenido 5 hijos, las 5 repúblicas. Ya no es tan bonita como antes. Empieza a hacerse mayor. Ya no tiene el vigor revolucionario de los principios cuando andaba por París cantando el himno revolucionario Ça ira. Que Marianne était jolie, del año 1973. Elle est née dans le Paris 1790, comme une rose épanouie au jardin des fleurs de lys. Marianne a 5 enfants qu'elle élève de son mieux. Marianne a maintenant quelques rides au coin des yeux. Dieu, mais que Marianne était jolie quand elle marche dans les rues de Paris en chantant à pleine voix. Ça ira, ça ira toute la vie. Mais que Marianne était jolie quand elle embrasait le cœur de Paris en criant dessus les toits. Ça ira, ça ira toute la vie. Il n'y a pas si longtemps que l'on se battait pour elle, pour être connu des printemps qui brillaient sous son soleil. Marianne a 5 enfants, 4 fils qu'elle a perdus, et le cinquième à présent qu'elle ne reconnaît plus. Dieu, mais que Marianne était jolie quand elle marchait dans les rues de Paris en chantant à pleine voix. Ça ira, ça ira. Siguiente tema del año 74 recoge otra temática. Se llama Le Chasseur, el cazador, tremendo exitazo con el que se identificaron los cazadores en Francia. Eran las 5 de la madrugada, avanzábamos en los pantanos, los perros nos adelantaban. por encima del estanque, de repente vi pasar a las ocas salvajes. Se iban hacia el sur, el Mediterráneo. Miraba el azul del cielo y estaba bien. Me hubiera gustado, acompañarles al final de su viaje. Le chasseur del año 74. Il était 5 heures du matin, on avançait dans les marais, couvert de brume. J'avais mon fusil dans les mains, un passereau poignait au loin de l'altitude. Les chiens pressés marchaient devant dans les roseaux. Par-dessus l'étang, soudain j'ai vu passer les oies sauvages. Elles s'en allaient vers le midi, la Méditerranée. Un vol de perdreaux par-dessus les champs montait dans les nuages. La forêt chantait, le soleil brillait. Avec mon fusil dans les mains, au fond de moi je me sentais un peu coupable. Alors je suis parti tout seul, j'ai emmené mon épagneul en promenade. Je regardais le bleu du ciel et j'étais bien. Par-dessus l'étang, soudain j'ai vu passer les oies sauvages. Elles s'en allaient vers le midi, la Méditerranée. Un vol de perdreaux par-dessus les champs montait dans les nuages. La forêt chantait, le soleil brillait au bout des marécages. Et tous ces oiseaux qui étaient si bien là-haut dans les nuages, j'aurais bien aimé les accompagner au bout de leur voyage. En el mismo álbum venía otro tema, Je pense à toi, Pienso en ti, en la que habla de la situación delicada de enamorarse de la mujer de su amigo. Desembarcaba a cualquier hora, cenábamos los tres, parecíais una pareja sin problema, os quería a los dos. Con el tiempo venía por ella, recuerdo que me decías que tu casa era mi casa, que era tu hermano mayor. No encuentro excusas, debes de estar terriblemente decepcionado. Je pense à toi, del año 74. Je débarquais à n'importe quelle heure. On cuisinait, on dînait tous les trois. Vous aviez l'air d'un couple sans problème. Je vous aimais, elle aussi bien que toi. Avec le temps, je suis venu pour elle. Tu n'as rien vu, mais j'étais amoureux. Elle attendait que je parte avec elle. Il a fallu te rendre malheureux. Je pense à toi, souvent je crois t'entendre me dire que chez toi, c'était aussi chez moi. Je pense à toi, tu ne dois rien comprendre. Tu dois être abattu, terriblement déçu. Tu me disais que j'étais son grand frère. Je m'asseyais au bord de votre lit. En vous quittant, j'éteignais la lumière. Et finalement, je prenais mon taxi. J'imaginais que j'étais à ta place. Je me sentais horriblement gêné. J'avais du mal à te parler en face. J'avais envie de tout te raconter. Je pense à toi, souvent je crois t'entendre me dire que chez toi, c'était aussi chez moi. Je pense à toi, tu ne dois rien comprendre. Tu dois être abattu, terriblement déçu. J'ai beau chercher, me trouver des prétextes, je sais très bien que rien ne tient debout. Mais on était toujours ensemble, presque, même à Noël et pendant le mois d'août. Bien entendu, quand on est aussi proche, ces choses-là sont forcées d'arriver. Ce n'est qu'après qu'on se fait des reproches. Je ne vis plus depuis qu'on t'a laissé. Je pense à toi, souvent je crois t'entendre me dire que chez toi, c'était aussi chez moi. Je pense à toi, tu ne dois rien comprendre. Tu dois être abattu, terriblement déçu. Je pense à toi. Otro exitazo fue Quand j'étais chanteur, cuando era cantante en el año siguiente. Se plantea él mismo en la situación de tener 73 años, edad que al final no llegó, y contrastando su situación actual con reuma y achaques, diciendo que ya pasó su época contrastándola con su época de gloria cuando tenía que huir de los fans, que se le permitía todos los excesos y que tenía una vida loca. Una canción premonitoria de lo que iba a ser su vida futura cuando la fama le abandonó. Una canción que es también, que ha sido la base del título de una película, Quand j'étais chanteur, que protagonizaron Gérard Depardieu y Cécile de France. Quand j'étais chanteur, del año 75. J'ai mon rhumatisme qui devient gênant. Ma pauvre Cécile, j'ai 73 ans. Je fais de la chaise longue et j'ai une babysitter. Je traînais moins la jambe quand j'étais chanteur. J'avais des housses blanches, un gros ceinturon, une chemise ouverte sur un médaillon. C'était mon sourire, mon atout majeur. Je m'éclatais comme une bête quand j'étais chanteur. Un soir à Saint-Georges, je faisais la kermesse. Ma femme attendait, planquée dans la Mercedes. Elle s'est fait jeter dans l'Indre par tout mon fan club.

Ese mismo año compuso Tu me fais planer, me haces levitar. Se sitúa en una sala de baile, baila con su chica ajeno a los demás, solo los dos, el uno por el otro. Del año 76, Tu me fais planer. Il y a de la musique dans les haut-parleurs. Tu m'embrasses au milieu des danseurs. Et c'est moi le roi du bal, moi qui n'étais qu'un petit Mickey. Oh, oh yeah. Tu me fais planer. Tu me fais planer. Tu me fais planer. Yeah. J'ai bien vu le chanteur de rock au bord du podium. Il te dévisage un maximum. Oh, mais je sais que tu t'en fous. Je suis comme un pan qui fait la roue. Oh. Tu me fais planer. Tu me fais planer. Oh, oh yeah. Ton ami Chantal n'a trouvé personne. Mon frère et ses copains font les cow-boys au bar. Nous, on est tout seul, à 2 mètres au-dessus du sol. Tout s'éteint, c'est trop bien de danser dans le noir. Terminamos con la última canción que hizo La fin du chemin, El final del camino, del año 2014. En 1986 se había convertido al cristianismo y en esta canción dice: soy tuyo, acógeme padre, entrego mi alma, sacad vuestras lágrimas, me voy donde brilla la luz. Y nosotros nos vemos cada segundo lunes del mes a las 11. Que tengáis un buen mes de enero. Voici la fin de mon chemin sur terre. je suis à toi, accueille-moi, mon père. Voici mon âme séchée vos larmes, mes frères. Je m'en vais là où brille la lumière. Chère Sarah, ouvre tes bras, j'arrive. Tu penses à moi, prépare-moi la rive. Voici la fin de mon chemin sur terre. Je viens vers toi, accueille-moi, mon père. Adieu la vie, mais je bénis ma chance. La vérité, l'éternité commence. L'éternité commence. Au revoir et bonne route.